Ok, ok. PKFM jusqu'au bout du monde. Checkpoint, ça sert à l'heure de la martinale, c'est l'information. Aujourd'hui, on reçoit Osons la Communication pour nous réitérer leur invitation. Retenons que Osons la Communication était avec nous le vendredi et ils sont là encore pour nous réitérer l'invitation tout simplement. Bonjour monsieur. Bonjour Miss Renfant. Moi j'aime bien l'appeler Noël T parce que son nom là c'est très compliqué. Il faudrait pas que je gâte son nom. Donc Noël T, c'est le directeur de Osons la Communication. Osons la Communication, secteur Boaké. Secteur Boaké. Voilà. D'accord, donc vous allez nous réitérer votre invitation. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, il faut savoir que c'est encore un appel que nous lançons qui est relatif à la première édition de Osons Digital Training qui est prévue pour le 22 février à la Fondation Dr Mousseau. Et cette formation s'articulera sur trois modules très importants. Et je précise que c'est une formation axée sur le digital. Et vous verrez que les modules qui seront développés ce jour-là parleront uniquement que du digital parce que nous sommes maintenant à l'ère du digital. Pour le premier module, nous aurons les meilleures stratégies digitales pour augmenter nos ventes. Voilà, il y a plein d'entrepreneurs au niveau de la ville de Boaké, plein d'entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Et il est temps pour nous de leur donner toutes les stratégies pour qu'ils soient efficaces. Ils aient toutes les armes possibles pour mieux vendre, mieux faire la promotion de leurs produits. C'est ce qui est défini dans le premier module. Et le second module s'articule comme suite. Quel contenu adopter pour dompter sa cible sur les réseaux sociaux? À l'invitation précédente, j'ai eu à accentuer mon intervention sur ce volet. Il ne s'agit pas d'avoir des contenus sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, mais il faut avoir un contenu attirant, un contenu adéquat. Et à cette formation, à cette messe de digital, nous allons donner tout ce qui est stratégie. Et voilà, donner tous les secrets qu'il faut adopter pour avoir un bon contenu sur toutes nos plateformes. D'accord. Et le troisième module pour terminer, c'est le module 3 qui nous donnera les outils Google qui nous rendront plus efficaces et productifs également. Voilà. Quand on parle du digital, le digital facilite tout ce qui est activité et c'est ce qui sera défini dans les outils Google. On aura la possibilité d'apprendre à créer des formulaires, comment élaborer des statistiques en ligne pour permettre également à nos clients, à toutes les personnes qui nous suivent, toutes les personnes qui sont abonnées à nos différentes pages, de mieux également nous suivre et mieux adhérer à nos différents produits. Donc, c'est un appel que nous lançons aux entrepreneurs de Boaké. C'est un appel également que nous lançons aux étudiants, surtout parce que les étudiants sont l'avenir de demain de la c'est Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça, c'est la première cible. Venez vous faire former, c'est s'il ça. Vous plaît. Raison pour laquelle la formation n'est pas coûteuse. Voilà. Juste 10 000, hein? Oui, juste 10 000. Voilà. Et je rappelle que la formation au niveau d'Abidjan, quand on a organisé, on a fait la formation à 25 000 Abidjan. Mais Boaké, c'est une première édition et il faut donner l'opportunité aux jeunes, aux jeunes de se faire former, d'avoir tout ce qui est connaissance au niveau du digital. Raison pour laquelle nous avons maximisé sur le tarif qui est de 10 000. Et les 10 000 francs prennent en compte toute la journée parce que c'est un séminaire de formation. Les 10 000 francs prennent en compte le déjeuner, prennent en compte tout ce qui est pause, café et l'élément essentiel, la certification juste à la fin de la formation. Et je précise qu'il y aura un suivi également juste après ce séminaire de formation qui est prévu pour le 22 février à la Fondation Dr Mousseau. À 8h? 8h. De 8h à 16h. 8h à 16h. Voilà. D'accord. Je pense que c'est une bonne occasion pour nous de profiter 3 modules à 10 000. Oui. Ce n'est pas évident. Donc, j'invite tout le monde à venir massivement, à s'inscrire. On dit que les places sont limitées. Les places sont très, très limitées. Voilà. Vendredi passé, on était à 22. Oui, on était à 22. Et actuellement, je n'ai pas encore pris contact avec le département en charge des formations. Mais je suis sûr qu'après cet appel que j'ai eu à lancer à votre antenne, il y a eu encore des inscrits. D'accord. Voilà. Et je précise que c'est seulement 30 places. 30 places. Voilà. D'accord. C'est seulement 30 places. Alors, il faut se hâter pour déjà prendre son ticket. Voilà, donc c'est simple. 22 février, tout le monde converge vers la Fondation Moussou Ambroise avec ses 10 000 francs. Mais il y a des contacts à laisser. Hein. Voilà, pour réserver des places. Voilà. Oui, pour réserver. Info-line. Info-line, oui, on vous écoute. Info-line, alors... Pour l'info line, vous avez deux numéros. Le premier numéro qui est le 48 00 48 96. 48 00 48 96. Et le second, le 40 40 52 72. D'accord. 40 40 52 72. 40 40 voilà. 52 Et pour 72. Toutes les personnes qui hésitent encore, qui n'ont pas une véritable connaissance de Osons la communication, vous n'avez qu'à aller sur toutes les plateformes, que ce soit Facebook, LinkedIn, Twitter Instagram. Vous marquez seulement Osons la communication. Oui. Voilà. Et vous verrez tous nos détails, tout ce qui est en rapport avec Osons la communication pour être encore plus sûr de la crédibilité de cette agence de communication. Voilà, qui est la toute première agence de communication à Boaké qui met le feu, comme on a l'habitude de le dire. Une petite anecdote. Vous pouvez aller sur les plateformes et puis voir le directeur aussi. Hein. Peut-être que le visage du directeur va vous attirer, à vous inscrire. Pourquoi pas? Ok, d'accord. Donc, venez massivement à l'invitation du DG, voilà, DG de Osons la communication, tout simplement. Et retenez que c'est trois modules de formation, les meilleures stratégies digitales pour augmenter vos ventes. Deuxième module, quel contenu adopter pour dompter sa cible sur les réseaux sociaux. Et enfin, les outils Google qui vous rendront plus efficace et productif. 10 000 francs CFA. Un seul lieu, la salle de conférence de la fondation du docteur Moussou Ambroise pour la paix à Bouaké. Donc, notons que c'est digital training, tout simplement. Venez vous inscrire et participer nombreux. C'est ça. Voilà, merci chers auditeurs. Nous sommes à la matinale. Je pense que c'est la fin. Il est 10h passé de 5 minutes déjà. Nous allons vous dire au revoir et à un autre lundi pour une autre matinale. Bisous, bye bye. Pékin FM jusqu'au bout du monde. Pékin FM jusqu'au bout du monde. Yeah, come on, y'all.